On est de retour au Radioton à CKRL 89.1. Vous pouvez venir nous voir. On est au 405 3e Avenue toute la journée, une bonne partie de la soirée. Et on m'a donné un chiffre à vous donner à midi. Combien qu'on est rendu? Roulement de tambour, mesdames et messieurs. 25 922 $. Merci à tous et à toutes, et vous pouvez continuer à donner généreusement. Vous pouvez venir ici, comme je disais, au 405 3e Avenue. Le bar est ouvert. On a des viennoiseries, on a des T-shirts, on a une belle table de marchandises avec plein de beaux stocks, et il y a plein de l'eau à l'encan aussi. Vous pouvez faire un don, ckrl.qc.ca, 418-640-2575. Et là, on va passer une belle petite heure, mesdames et messieurs. Je suis accompagné de deux excellentes personnes, des personnes qui ont un talent fou à l'écriture et à la musique. Noémie D. Leclerc, Hubert Lenoir, bonjour! Bonjour! Bonjour! Ça va bien? Oui, toi? Ça va bien. Maintenant que vous êtes là, je suis content, je suis heureux. Je voulais tout d'abord vous présenter un petit peu. Noémie, tu as écrit un livre qui s'appelle « Darlène ». Oui. Hubert, tu as écrit, composé, enregistré, pas mal tout, presque tout fait, mais pas tant que ça. Avec de l'aide. Avec beaucoup d'aide, oui. Un disque qui s'appelle également Darlène. Oui. Et les réactions des deux côtés sont super positives. Le livre, les critiques sont très, très bonnes. Le disque, je pense que, entre autres, j'ai pas trop haï ça, je pense. Non, je sais que tu t'avais aimé ça. Mais écoutez, comment ça va, les réactions de votre côté, les deux côtés? Je pense que ça va extrêmement bien. Énormément plus qu'on s'attendait d'un projet comme ça, dans le sens que nous, on l'a fait d'une façon assez viscérale, sans se poser de questions. On l'a fait aussi. Je veux dire DIY dans l'approche, dans le sens qu'on a comme un peu tout produit nous-mêmes, mais après ça a été fait avec beaucoup d'aide de personnes qu'on va mentionner aussi. Oui. Mais je te dirais que donc nous, on n'avait pas vraiment nécessairement d'attente qui était grande face à ça, mais après ça, on a été, je te dirais que la réception en date est quand même vraiment malade. Mm-hmm. Bon, plus qu'on s'attendait. Côté livre, j'avoue que j'ai pas beaucoup lu de critiques. J'en ai lu 2-3 sur des blogs un peu, je dirais, underground, là. Mais c'était assez bon. Je suis assez contente aussi. Je m'attendais pas à ça non plus. Fait que... C'est moi que je parlais du général. Dans le sens que en la général, réception, ouais. Général. Puis, je sais que tu avais fait un mini-lancement à Montréal, à l'Escogriffe. Mm-hmm. Le monde n'était même pas capable d'aller aux toilettes, tellement qu'il y avait de monde. Puis à Québec, au Dagobert, sold out. Ouais, c'est sold out les deux, en fait. C'était plus, à l'Esco, c'était plus que sold out, là. Il y aurait eu un feu. T'aurais mis le feu à la place, personne serait sorti, là. Ouais. Mais pour avoir été au Dagobert, encore là, la réaction superbe, les gens connaissaient, ça faisait même pas un mois, le monde connaissait les tunes déjà par cœur. J'étais vraiment étonné. Toi, qui était devant tout ce monde-là, qui chantait tes chansons. Ouais, puis en plus, le truc avec le show d'AG, c'est que ça a comme fini dans un... C'est arrivé dans un genre de fin de cycle de 2 semaines comme vraiment intense, que moi puis Noémie, on était comme constamment à Québec-Montréal, dormir 2 heures. Puis, fait que je dirais qu'on est arrivé là vraiment comme claqué. T'sais, moi, j'avais un show à donner. T'sais, c'était le lancement du livre et de l'album, mais moi, j'avais un show à donner. Puis... on était quand même un peu brûlés, un peu grognons dans la journée. Mais après ça, quand je suis arrivé sur scène, c'était quand même malade de voir le monde qui chantait. Puis de voir aussi la salle remplie. On savait pas si alors, tu sais, de voir le truc comme sold out de même. Non, c'était quand même vraiment. C'était vraiment débile en même temps. Non, je m'attendais pas à ça. Je peux pas. Ça serait comme faux de dire je m'y attendais, j'en sais sûr. Puis le pire, c'est que t'as refait une prestation au Musée national des Beaux-Arts la semaine suivante. Oui. Puis encore là, on se le cachera pas, c'était la salle la plus pleine, puis avec tout le monde qui monte puis qui redescend, puis vraiment, il y avait encore là une énergie incroyable. Ouais. Il y avait des messieurs en morsuit qui dansaient, tout le monde était déguisé. C'était le gros party. Ben, c'est hot aussi de voir, comme tu dis, de voir que ta musique parle au monde. Puis c'est hot aussi, c'était cool de voir, ben, autant Dagobert qu'au musée, c'était hot de voir quel genre de personnes aussi qui écoutaient. C'était cool de voir des jeunes gars, des jeunes filles, des plus vieux, des moins vieux. De voir juste les voir chanter des paroles ou même chanter la reprise de Jean-Pierre Ferland après, c'était quand même vraiment hot. On va y revenir justement, la reprise de Jean-Pierre Ferland un peu plus tard, parce que, écoute, ça c'est quelque chose que je trouvais vraiment cool, parce que vous êtes quand même dans la jeune vingtaine, vous êtes loin d'être vieux, puis vous attirez quand même une jeune génération aussi. Je veux dire, il n'y a pas juste des petits vieux comme moi qui trippent sur vous autres. Mais t'es pas vieux, toi? Ben, quand même. Ah, c'est vrai. Okay. Une jeune quarantaine, là. mais quand même, ça ramène, hey, Jean-Pierre, tout d'un coup, avec des petits vainqueurs. Oui, c'est ça qui est intéressant, ou Dagobert qui m'a comme un peu fait... c'est que quand on a fait la reprise de Jean-Pierre Ferland, il y avait comme... C'était cool de voir juste des jeunes dans vingtaine chanter un artiste qui est sorti en 73. Puis c'était comme au même moment, genre, quand on faisait Jean-Pierre Ferland, avec quelqu'un qui s'est allumé un joint dans la salle. Fait qu'il y a comme une odeur de weed, de pot. Puis il y avait comme Jean-Pierre. Puis là, j'ai comme, man, il y a comme un trou spatio-temporel, là, entre genre les années 70 puis en ce moment, avec des genres de. Je sais pas. C'était bizarre. C'était comme un mélange d'un show de Migos avec du Jean-Pierre Ferland. Hey Hubert, je pense qu'on serait prêt, si ça te tente, pour... Déjà? Ben, t'as pris une petite toune, ben oui. Ah, c'est bon. Parfait. Qu'est-ce que tu vas nous faire? Je vais commencer par Fille de personne 2, parce que je l'ai faite quelques fois avec une guitare acoustique. C'est une toune que j'ai écrite au piano, fait que je la joue comme au plus au piano habituellement, mais là, je vais l'adapter à guitare acoustique. Super, ben, okay. Je te laisse y aller. On va... Ben, venez-vous-en, il y a encore de la place. Il reste quelques sièges, puis il y a de la place en masse debout si jamais ça vous tente. Mais... En attendant, on écoute Hubert Lenoir. Hey, Hubert Potentin, t'es pas la fille de ton père, même pas celle de ta mère, de personne. Chaque fois, c'est la force de la nature. Tu cries quand c'est trop dur de parler. J'ai déjà vu des films d'amour surexposés. T'es le plus beau des films que j'ai regardé. Oh. En face à face ou en one night. Je suis venu te dire que tu peux changer. J'ai vu un avenir de femme libérée, où tu portais le cuir et la tête rasée. J'ai vu ton avenir. Cœur de cou, t'as pas de conseils à prendre sur nous. Et même quand tu te déguises, t'aimes ça, mais ça t'épuise de chercher. Un père potentin. Oh non, on va tous mourir égaux. Je garde ta photo en souvenir. J'ai déjà vu des films d'amour surexposés. T'es le plus beau des films que j'ai regardé. Alright, en face à face ou en one night. Je suis venu te dire que tu peux changer. J'ai vu un avenir de femme libérée, où tu portais le cuir et la tête rasée. J'ai vu ton avenir. désir que tu peux changer. J'ai vu un avenir de femme libérée où tu portais le cuir et la tête rasée. J'ai vu ton avenir. Je suis venu te dire que tu peux changer. J'ai vu un avenir de femme libérée où tu portais le cuir et la tête rasée. J'ai vu ton avenir. J'ai vu ton avenir. On est de retour à CKRL 89.1. Venez nous visiter en studio 405 3e Avenue. Je ne le répéterai pas assez. Et on est de retour avec Hubert Lenoir et Noémie Desleclerc. Yeah. Et là, on va parler un peu de processus de création, d'écriture. Puis tiens, justement, j'ai envie de commencer avec toi, Noémie. Ce qui est drôle, juste de même, vous avez commencé pas mal à travailler, je pense, en même temps sur vos projets. Mm-hmm. Puis finalement, ben Je voudrais que tu me parles du tien. Comment tu as commencé tout ça? Qu'est-ce qui t'est venu comme idée? En fait, moi, je suis pas une grande fan de littérature à la base. Donc, je lisais des livres. Je m'étais fait un devoir dans la vie de lire tous les premiers romans de tout le monde. Fait que autant j'allais en France ou à la librairie Pantoute sur Saint... sur Saint-Joseph, je demandais le premier roman de quelqu'un, puis je le lisais. Fait que ma première inspiration, je pense que c'est vraiment la fraîcheur, la nouveauté, puis la naïveté surtout. Fait que j'ai décidé de plonger là-dedans à 100%. Puis comment ça s'est fait, j'essayais d'écrire le plus simplement possible, le plus humainement possible, puis Darlene est arrivée finalement, puis Hubert a ajouté quelque chose d'un petit peu plus, je pense, accessible, puis a ajouté aussi une profondeur en même temps à tout ça, puis ça a donné, je pense, un beau projet complet. Mm-hmm. Un beau projet complet, puis justement, tu es arrivé, bon, quand même, on te connaît comme Hubert Chiasson de The Seasons aussi, puis bon... Qu'est-ce qui est arrivé? Comment tu t'es ramassé avec un projet solo qui est quand même assez ambitieux aussi? Ben, au début, le terme projet solo, c'était pas vraiment ça que je voulais faire, mais je te dirais que c'est c'est venu par le simple désir de créer une œuvre artistique. Je pense que j'ai un côté artiste en moi qui est pas nécessairement artiste public, mais juste, je pense que c'est, même si j'avais pas de, même si je faisais pas, là j'ai la chance de pouvoir faire ça dans la vie, là, même si j'ai pas une scène, mais si même si j'avais un autre job, tu sais, je ferais toujours des albums, je pense, ou de l'art en général. Puis c'est parti par un désir assez viscéral de faire une œuvre artistique qui était le projet multidisciplinaire d'Arlène avec Noémie. Puis au début, j'avais envie juste d'écrire un album. J'ai commencé à écrire un album. J'avais déjà des... Ce qui est spécial avec ça, c'est que j'avais déjà beaucoup de chansons en banque que j'avais écrites à travers le temps. Tu sais, j'écris constamment. Tu sais, j'écris sur une base régulière. Mais j'avais pas envie de partir de ces... Tu sais, quand le monde font des albums habituellement, c'est tu pars d'un peu un ramassis des 2 ans que t'as fait, tu prends les meilleures chansons, puis tu... Puis là, j'avais pas envie de partir de ces idées-là. J'avais envie de faire quelque chose from scratch, faire un album qui était conceptuel. Parce que j'écoutais beaucoup d'albums concept à cette époque-là. Je suis vraiment dans ce genre de phase de même, là. Un peu de prog, de musique des années 70. Fait que j'avais envie de faire ça. J'ai commencé à écrire d'un trait l'album. En un an, ça m'a pris environ. Il y a un an, là, jour pour jour, là, j'ai posté une photo sur Instagram aussi hier, hein, parce que j'ai retrouvé une photo. Mais il y a un an, j'étais en train de l'écrire. J'étais peut-être un petit peu plus qu'à mi-chemin. Là. J'avais comme quasiment fini. Puis j'allais en studio à l'été. Fait que ouais, c'est ça. C'est ça environ. J'ai résumé. Quand est-ce que vous êtes. Est-ce que vous étiez concerté ou bien à un moment donné, vous êtes rendu compte que vous travailliez pas mal sur un sujet pas mal semblable? Ben, rendu il y a un an. Oui, dans le sens qu'on s'est comme décidé assez rapidement là, qu'on allait faire tout ça ensemble. Fait que, mettons, il y a un an, oui, c'était décidé depuis longtemps. Puis là, on lisait, mettons, moi, je lisais le roman chapitre par chapitre. On se lançait un peu la balle, des idées. Elle allait écouter les chansons. Puis, je pense que c'est... Ouais, mais ça s'est décidé assez rapidement que ça allait être un projet multidisciplinaire. Là, tu sais. Parce qu'il y a aussi... Il y a aussi un volet plus visuel qui embarque là-dedans avec Gabriel Lapointe. Mm-hmm. Là, jusqu'à là, on a vu des super, des très belles des illustrations. Est-ce qu'on va pousser ça un peu plus loin? Bon, je sais que de la vidéo, puis ouais. Il y a quelque chose quasiment à faire une comédie musicale avec ça. On devrait ça faire une comédie. Je pense que je vais répondre un peu parce qu'il est à bouche pleine. Oui, vas-y. Mais ouais, je vais te laisser finir ta bouchée. On aimerait ça, mais ça nous prendrait un mécène, en fait. Quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'argent à perdre. Parce que dans notre époque où tout s'est démocratisé, tout s'est individualisé, ça prendrait tellement de personnes, tellement de ressources. Genre, ça nous prendrait 2 tourbus. Ça n'aurait aucun sens. Fait que ça nous prendrait vraiment quelqu'un qui a beaucoup de cash à perdre. Écoute, on en parle. Je suis comme le monde du... Peut-être un jour, on va voir, genre, Darlene. Moi, comment je verrais ça? Ce serait comme, genre, mettons, une semaine, mettons... quand même de quoi depuis, mettons, Capitole, là, dans le temps de Noël, là. Hey, ça serait bon, ça. Là, je vois Lou Adrienne qui est là, puis elle joue avec moi en spectacle, puis on se parle de notre... parce que les deux, on aime Starmania, fait qu'on... Peut-être... Ben, c'est quelque chose que je voyais. C'est visuellement parlant, je voyais ça. Je voyais aussi quasiment un gros. En cinéma aussi, il y a tellement de possibilités. On voit vraiment que vous avez travaillé sur quelque chose quand même d'assez complet, de très, très imagé. Mais là, Hubert, justement, tu parlais d'il y a un an à peu près, tu es entré en studio. Un peu moins d'un an. Un peu moins d'un an quand même, oui. Puis là, rendu à l'enregistrement, comment ça s'est passé? Ça s'est fait dans environ 6 jours de canicule au Pantoum. On était, pour ceux qui connaissent pas le Pantoum, le studio à Québec. On était là pendant 6 jours. On a fait des. J'avais quand même une idée précise, quasiment du pacing, de tout l'ordre là, de l'album. Puis je suis arrivé un peu avec un genre de j'ai un déficit d'attention, le monde parle en l'air de moi, je suis pas capable. C'est ça, je suis arrivé avec un genre d'idée précise, puis après ça, avec les musiciens, on est allé par partie, on a pas joué l'album là, d'un coup, on est allé par segment, puis j'avais pas vraiment de maquette, là, tu sais, j'avais pas fait de démo, j'avais pas fait de pré-prod, en fait, pendant tout, c'était comme contre mon principe à cette époque-là, là, même si j'avais genre des trucs pour enregistrer, je suis arrivé avec vraiment les tunes, genre guitare-voix, piano-voix, en disant genre ça serait mettons tel, on pourrait partir de tel beat de drum. J'étais avec Alexandre Martel qui co-réalisait avec moi. Il y avait Ben Champoin, ingénieur de son, il y avait tous les musiciens, je peux tous les nommer là, mais on va les renommer tantôt. Puis on faisait comme deux tunes par jour mettons. Quand même c'est quand même rapide. Ouais. Puis après ça par exemple j'ai fait des puis il faisait vraiment chaud, il y avait pas d'air climatisé. Fait qu'on était en train de virer fou là, avec tout le monde était en bedaine. Puis il faisait vraiment, vraiment, vraiment chaud. Puis d'ailleurs, Gabriel. Le fantôme, il fait extrêmement oui, chaud, même en hiver. Fait que... Oui, puis l'été, puis là, Gabriel aussi, il a pris des images de ça qui vont être publiées de toutes les grands bedaines. Puis c'était comme vraiment, à un moment donné, c'était que ça en revenait assez difficile d'être. Je pense que la chaleur a fait qu'à un moment donné, j'ai comme abandonné certaines exigences, pas sonores, mais tu sais, comme que j'avais, puis j'ai comme plus laissé aller parce que des fois, c'était comme. Il faisait tellement chaud que j'ai décidé des fois de laisser la musique aller, puis je m'en foutais un peu plus. Il y avait un laisser aller, puis je pense que ça a aidé. Puis après ça, j'ai eu plus de temps aussi. Après ça, j'ai fait des overdubs. Un peu plus. Là. Ça n'a pas tout été fait en 6 jours. Là. Excellent. Après ça, un petit peu plus de... Je voudrais parler des gens qui ont collaboré avec toi. Oui. Il y a un méchant paquet quand même. Là. T'étais, ouais. Je disais tantôt que tu as écrit, tu étais parti tout seul, mais tu n'étais vraiment pas tout seul à la fin. Là. Ben, je dirais que ça s'est fait en deux étapes. Une étape extrêmement seule, donc l'écriture, penser à tout ça, un peu conceptualiser la chose. Puis après ça, ça s'est fait la partie en studio, les 6 jours et plus. Là, c'était vraiment avec... Bon, ben, je peux comme un peu toutes les nommer. Là. Il y avait P.E. Beaudoin à la batterie. Il y avait Vincent Gagnon au piano. Après ça, synthétiseur aussi qui a joué. Il y avait André Larue, saxophone, clarinette basse. Voilà tout. Après ça, il y avait Alexandre Martel à la co-réalisation avec moi qui a joué aussi un petit peu, pas tant, il a pas joué beaucoup, il a joué un peu. Il y avait Ben Champoin à la prise de son qui a joué aussi de la guitare un petit peu. Après ça, il y avait Simon Kearney, guitare électrique, qui est venu faire un petit peu de qui est venu jouer parce que ça a été fait live. Ah oui. Puis je dirais qu'on a fait en 6 jours, mais ça a été 2 fois 3 jours. Puis, il y a une fois, par exemple, mettons, je dirais qu'il y a eu beaucoup de musiciens, pas parce que. Des fois, c'est parce qu'on pognait le monde qu'il y avait, là, puis surtout au niveau des guitares. Fait que là, il y avait Simon qui est venu jouer un peu. Il y a Vincent Lamontagne qui a joué aussi. Après ça, il y a eu à la guitare. C'est tout à la guitare? Fait que là, il y a eu ça. Attends, puis après ça, ouais, ça fait quand même 4 guitaristes. Donc, moi aussi, je joue un peu de guitare. Il y a mon frère aussi, Julien Chiasson, qui est venu jouer. Lui, il est plus venu faire des dubs après. Il m'a aidé avec une coupe d'arrangements, une coupe de trucs. Il a joué beaucoup dessus. Il a joué de la guitare, il a joué des synthétiseurs aussi. Après ça, j'en oublie-tu un? Ced, tu l'as-tu nommé? Ça, oui, Cédric Martel, à la base. Pourquoi j'ai pensé à lui, qui était là tout le temps, qui a joué sur toutes les chansons. Après ça, il y a... Dasha. Il y a Dasha. Qui est Dasha Mali qui est venue faire des chœurs, des bacs vocales. Et je pense que j'ai nommé tout le monde. Ça fait quand même beaucoup de monde. Mais, écoute, ouais. C'est pas mal une équipe all-star de la scène musicale oui. de Québec. Là. Ouais. Parce que c'était tout fait ici. Là. Ouais, ben c'était ouais, vraiment. C'était comme un peu un but de faire ça ici. Parce que c'était comme important pour moi, puis je voyais comme pas pourquoi il y avait personne. J'ai comme l'impression que tout le monde va enregistrer à Montréal tout le temps, même le monde de Québec, ce que je comprends vraiment, mais je voyais pas pourquoi personne faisait des disques à Québec un peu alors qu'on a des super bons musiciens. Fait que j'ai appelé ces gars-là, il y en a une couple que je connaissais très bien, d'autres que je connaissais pas, puis j'ai un peu monté le monde avec qui je voulais jouer, avec qui que je semblais le qui que je sentais qui était le plus apte à jouer ça. Je savais que j'avais écouté beaucoup de jazz, fait que je voulais des influences jazz quand même assez fortes, tu sais, je voulais pas quelque chose de rock brut. Je savais que ces gars-là ils allaient être bons pour faire ça. Puis aussi il y avait comme un peu l'idée de faire quelque chose, j'étais dans une vague, j'écoutais full de musique des années 70, puis je trippais sur les albums de cette époque-là, puis le fait de jouer avec des musiciens qui étaient comme des musiciens extrêmement bons, extrêmement performants en studio, qui avaient comme pas de limite. Puis c'était comme dans l'optique de ça, là. Tu sais, pour moi, PE à batterie, c'est un peu le c'est un peu ce genre de drummer-là, tu sais, qui est un drummer extrêmement polyvalent, extrêmement précis, avec une. Tu sais, qui est. Avec une frappe et une attitude qui est juste parfaite, là. Fait que c'était ça que je voulais faire. Puis tu as travaillé aussi à la co-réalisation, c'est drôle parce que j'ai trouvé Alexandre, oui. Qui est une personne quand même, je veux dire, avec qui tu dois avoir quand même pas mal d'atomes crochus, là. Oui. Pour ceux qui le connaissent pas, Alexandre Martel, c'est un membre de Mauve et c'est aussi Anatole. Oui. Puis j'avais dit au départ, quand j'avais écouté, bon, il y a beaucoup, on dirait qu'il y a de l'influence d'Alexandre, mais en même temps, quand j'écoute le nouveau stock d'Anatole, on dirait que y a comme, vous êtes comme un peu crinqués les deux l'un l'autre. Ça ben, se peut-tu? Ça se peut, moi, Alex, je le connais depuis quand même longtemps parce qu'il jouait des claviers avec The Seasons en spectacle. Fait que je le connais depuis, c'est lui, là, certainement lui, dans tout le monde avec qui, je veux dire, c'est un ami avec qui que je connaissais le plus. Est-ce qu'on s'est influencé? Moi, je pense qu'on a quand même passé beaucoup de temps ensemble. On a parlé beaucoup de musique. On a parlé beaucoup de. Je pense qu'on a passé genre beaucoup de nuits. On n'est pas quand on faisait la tournée, on n'est pas si. Ça dépend. Là. On est quand même un peu intense. Mais des fois, on allait juste à l'hôtel après le spectacle, puis on parlait, on écoutait de la musique, puis on discutait. On avait des discussions très animées sur la musique, la production de musique, comment qu'on considère les philosophies d'être en studio, peut-être ça. Puis je pense que peut-être qu'on s'est influencé un peu. Je pense qu'on aime le même genre de musique aussi. Si, ouais. Puis est-ce que je l'ai influencé sur son prochain disque d'Anatole? J'ai chanté sur le prochain. Oh. J'ai fait des backs. Scoop! Ouais, scoop. Puis, je sais pas si je l'ai influencé. J'aurais pas cette prétention-là. Lui, il m'influence à un certain point. Pas un point non plus démesuré, mais. En même, je pense, un peu. Ouais. Puis aussi, ouais, vas-y. Justement, parce que je regarde là, puis je me dis, ça serait peut-être le temps d'entendre une deuxième chanson. Mais je voulais dire aussi, si on mentionne pas, parce que j'ai oublié un collaborateur, quand j'ai eu tout ce que je voulais en studio, je suis allé mixer à Montréal, par exemple, avec Philippe Brault. Ça a été la seule. J'ai pas mixé à Québec. Je suis allé mixer genre 5 jours avec Phil. Où est-ce qu'on est parti des tracks? Ça sonnait. Puis les tracks étaient assez plain. Puis on a comme un peu tout. Puis avec Phil aussi, on a un peu tout arrangé l'album pour que les tunes se suivent. Parce que j'avais déjà l'idée que les tunes se suivent ensemble. Mais. Fait que là-bas, j'ai ajouté des synthétiseurs, j'ai ajouté des. Puis aussi, un autre scoop, c'est Philippe Brault qui joue. Tu sais, de Fille de Personne, il y a comme une slide de piano. Oh. C'est Phil qui la joue. Mix. Celle-là. Il est allé, il est descendu, puis il en a fait genre 12 avant d'avoir la bonne. tout de suite après l'improvisation qu'on entend de Vincent Gagnon, qu'on entend sur le. Ouais, mais l'improvisation de Vincent était faite il y a longtemps. On l'avait faite chez Vincent, ça. Puis, mais après ça, mon but c'était que ça aille ensemble. Puis j'avais l'idée, j'ai fait ça prend une slide, tu sais. J'ai écouté I Want You Back de Jackson 5, puis j'ai fait c'est ça que ça prend pour faire la cohésion entre les deux pièces. Méchante belle transition. Écoute, Hubert, quelle petite chanson que tu nous fais maintenant? Là, ça va, vraiment, on a une primeur. Là. Ouais, je vais faire GC en primeur. Mais yeah. Parce que je ne l'ai jamais fait acoustique, là, puis même là encore, je vais essayer de comprendre. Ouais, je vais essayer. Ben, vas-y. Si vous voulez nous rejoindre, on est encore, comme je vous disais, au 405 3e Avenue. On parlait tantôt de Starmania. Il y a des disques du côté de la marchandise. Il y a des vinyles de Starmania qui sont là. Ben oui. Puis il y en a plein d'autres vieux aussi. Si tu veux aller fouiller tantôt, gêne-toi pas. Alors, je te laisse aller. On écoute Hubert Lenoir, JC. Cherche à comprendre, cherche pas à chercher. Tu veux te défendre, faudrait d'abord être en danger. J'ai une version en couleur, une version noir et blanc, qui donne des chaleurs à ton cœur d'adolescent. Gemini s'est mis à poudrer son nez. Jésus-Christ avait un clou dans les pieds. Ça fait longtemps, c'est sûr, c'est pas de ta faute. ça peut pas t'empêcher de tout essayer. Ah, ça peut pas t'empêcher de tout essayer. Ah, de conquérir un monde qui dort à tes pieds. Ah, ça peut pas t'empêcher de tout essayer. Dans ta chambre, t'essaies de trouver la phrase de ta vie qui de ce fait pourrait t'amener à voir le monde en couleur sans reflet noir et blanc. Ça donne des chaleurs à mon cœur d'adolescent. Mais vas-y, tu serais capable de te lever. J'ai écrit avec un clou dans les pieds. Ça fait longtemps, c'est sûr, c'est pas de ta faute. Ça peut pas t'empêcher de tout essayer. Ah, oh, ça peut pas t'empêcher de tout essayer. Ah, oh, de conquérir un monde qui dort à tes pieds. Ah, oh, ça peut pas t'empêcher de tout essayer. 50 ans de carrière pour 3 millions d'années. Une photo de ta grand-mère, le crucifix levé. Ça peut pas t'empêcher de tout essayer. Oh, ça peut pas t'empêcher de tout essayer. Oh, de conquérir un monde qui dort à tes pieds. Oh, ça peut pas t'empêcher de tout essayer. Ça peut pas t'empêcher de tout essayer. Oh, ça peut pas t'empêcher de tout essayer. Oh, de conquérir un monde qui dort à tes pieds. Oh, ça peut pas t'empêcher de tout essayer. On est de retour au Radioton à CKRL 89.1 avec Noémie Desleclerc et Hubert Lenoir. Et maintenant, on va clore ça tranquillement, tranquillement, pas vite. J'ai encore pas mal de contenu pour vous deux. Yeah. Première des choses, tu as déjà fait deux spectacles full band, peut-être même un petit peu plus, mais il y en a d'autres qui s'en viennent, une petite tournée de festival, on dirait. Oui, je dirais que là, il y a plein de dates qui sont confirmés dans notre agenda, mais qui ne sont pas encore annoncés publiquement. C'est dans les mains des festivals d'annoncer ça. Mais non, je dirais que cet été, ça va être vraiment partout en festival, le spectacle de Darlene. Le même qu'on a fait au Dagobert environ. Je dirais que ça va être la même chose, avec les mêmes musiciens sur l'album. Puis ça va être en festival partout. Il reste plein de dates à confirmer. Là, il y a le festival d'été qui est le 12 juin. Après ça, il y a le festif Francophonie, le 12 juin. Excuse-moi, les Francophonies le 12 juin. Festival d'été, avant. Juillet. 11 juillet, oui. Puis après ça, il y a le festif. Il y a plein d'autres festivals à confirmer qui vont sortir bientôt. Puis au festival d'été, vous n'avez pas de raison de ne pas être là, que vous ayez laissé passer ou pas. C'est à Place Diouville. Ouais, puis juste avant Claude Pelgag, ça va quand même être une soirée avec la Belle Folie, ça? Ben, ça va quand même être vraiment le fun. Claude, moi, je la connais pas. Je la connais juste par Instagram. Des fois, on s'envoie des cœurs, là, mais c'est tout. Je sais qu'on est dans l'art de ça. Mais je sais que ça va être le fun. Puis je pense que ça va être une belle soirée. Puis ce que je trouve encore intéressant, c'est que ça soit à tous, tu sais. Fait que je sais qu'il y a du monde qui m'écoute qui n'ont pas d'argent. Fait que là, s'il n'y a pas de raison de pas avoir ça, tu sais, de pas avoir sa passe, vous pouvez venir, puis ça va être le fun. Ça va être le gros party. Puis en même temps, ils peuvent acheter la merch que tu n'as pas encore les moyens de t'acheter toi-même, si j'ai bien compris. C'est vrai, moi, j'ai pas encore assez d'argent pour acheter ma merch, mais la merch est super belle, la merch. Puis il y a déjà même des articles de merch qui sont sold out. Puis là, on va les mettre sur Internet bientôt pour que vous en achetiez. Yes. Bon, j'ai un petit quiz. Ça, c'est une tradition d'écoutedonc.ca. Je vais suivre la tradition de mes collègues. Un petit quiz musical, ben niaiseux. Là, Noémie, tu peux participer aussi. Vas-y. Ben, si c'est plus musical. Des questions ben niaiseuses. Est-ce que vous vous souvenez de la première cassette, du premier disque, du premier CD que vous avez acheté ou reçu en cadeau? Avec mon argent, mettons? Ben, avec ton argent, ouais. Je pense que le premier truc que j'ai eu, c'est Limp Bizkit, Chocolate Starfish and Chocolate Starfish and a Hot Dog Flavored Water. Toi, ouais, hey, moi, ça a été tard. Ça a été quand j'ai rencontré Hubert, il m'a amené au Archambault, défunt Archambault, rue Saint-Jean-Baptiste. Puis tu m'avais fait acheter The Vaccines. Hey, c'est ta première fois d'acheter? Ouais. What did you expect from The Vaccines? Hey boy! Tu l'as acheté sur le tard? Ouais. C'est ça qui arrive en banlieue, hein, on n'achète pas de culture. Mettons que, bon, vous avez un billet à l'essai pour une île déserte. Quels sont les albums que vous amèneriez? Music of the Sun de Rihanna. Ok, tu veux commencer aujourd'hui? Yes, ça serait ça, moi. Music quoi? La première album de Rihanna. Ok, moi j'apporterais. c'est difficile ça. Moi j'apporterais Young Americans de David Bowie. J'apporterais. J'apporterais Purple Rain de Prince. J'apporterais Sign of the Times de Prince. J'apporterais 1999 de Prince. J'apporterais Love Symbol. Non, ça c'est les trois Prince que j'apporterais. Okay. Sinon j'apporterais aussi T'apporterais-tu un peu de Claude Dubois? Ouais, j'apporterais Toucher du bois de Claude Dubois, mais là, je commence à avoir une pas pire discographie. Là. Toucher du bois de Claude Dubois, j'apporterais Soleil de Jean-Pierre Ferland, j'apporterais sinon... Sail Away de Randy Newman. Ça fait du stock. Vous ennuyeriez pas. Quand vous êtes en auto, en tournée, en voyage ou n'importe quoi, qu'est-ce que vous écoutez? Est-ce qu'on fait vraiment souvent Québec-Montréal? On le fait genre deux fois par semaine, Québec-Montréal. Puis je te dirais qu'à un moment donné, on a comme tellement écouté de musique. Ben, moi, j'en écoute beaucoup. Puis tu sais, j'écoute des affaires que des fois. Tu sais, des fois, mettons, j'écoute du jazz. Puis là, Némi est comme écœuré. Ou j'écoute du quoi? J'écoute genre. Tu quoi des affaires qui t'énervent, là? Des fois, il écoute trop de Motown, genre. C'est vraiment gossant. C'est tout le temps la même tune. J'écoute du Motown, beaucoup. Du son, mais là, Destin 7, on écoute genre. Du gros pop, mettons, genre R. Kelly ou Rihanna ou ou c'est vrai que ça ressemble vraiment un à ça. Un peu de Surpathétique aussi. Surpathétique aussi, c'est vrai. Écoute, Surpathétique de Sensible. Il est en mode ces temps-ci. Puis, mettons, je vous le souhaite pas, là, mettons que vous mourrez, ça serait quoi votre musique pour vos funérailles? Hey, moi, sérieux, depuis tantôt, j'y pense, je suis pas capable, même. Moi, ce serait... Tu chantes, là. En même temps, j'aimerais ça qu'on meure en même temps. Mais moi, je pense que je... Ouais, c'est vrai, c'est sûr qu'on meure en même temps. Moi, je... Life is a highway. Life is a highway. C'est cool avec, avec le cercueil qui sort, là. C'est macabre, mais en même temps, c'est... C'est très hot. Belle réponse. Puis, ben, écoutez, Noémie, Hubert... Je vois que c'est déjà vraiment tout pour nous. Je vous remercie infiniment. On a passé une super belle heure. Merci à toi, Jacques. T'es très bonne intervieweur. Très bonne intervieweur. Ouais. Ouais. Puis, on vous suit cet été. On te lit. Et puis, on fait la pause. On vous revient encore toute la journée au Radioton. Merci.